Wasteland. Levé contre la cuisse de Svet, Hans regardait le paysage défiler à l'horizon. À l'arrière de la vieille camionnette convertie à l'huile de patate, un trou béant saillait là où aurait dû se trouver une portière, laissant une ouverture par laquelle pénétrait le spectacle des terres désolées, la cime des arbres, la crête des collines. Hans était couvert d'échymoses et d'éraflures, couché, perdu quelque part entre le sommeil et la douleur. Silencieusement, Svit lui caressait le front, glissait ses doigts sur son crâne rasé. Elle portait un masque de repos en porcelaine, sans expression, terni par les années et craquelé au rebord. Les mèches de son mohawk déferlaient sur sa nuque. Sa camisole était noircie par la suie et une bretelle ne tenait plus que par une épingle rouillée. Nielsen maniait le volant d'une main, comme d'habitude. De l'autre, elle tenait un thermos de café noir qu'elle sirotait distraitement. Depuis les haut-parleurs nasillards grésillait un vieil album rockabilly et elle murmurait les paroles en suivant la cadence, essayant tant bien que mal de ne pas s'endormir. Elle avait insisté pour monter la garde toute la nuit, pour laisser les autres dormir avant de partir pour le meeting. Le meeting. Hans était pourchassé par les variables, les possibilités, les rouages interreliés du plan. Les mêmes images refaisaient surface. Les camarades assassinés, les kidnappings, la dissonance cognitive des médias, le behemoth qui tombait enfin. Chaque image vrillait jusqu'à s'inscrire à l'encre dans l'équation maîtresse. Au-delà des conceptions abstraites, défilait le paysage, l'agonie silencieuse des Hautes Laurentides de l'Abitibi. Des heures durant, ces forêts trouées, éparses, le sol épuisé, inondé ou compacté. Des poignées de jeunes épinettes noires, bouleaux blancs, érables à sucre, malades, rongées par les insectes et les champignons, brûlées par le soleil et le sel des routes. Plus loin, les plaies béantes des mines à ciel ouvert, éventrant le roc à des profondeurs vertigineuses, des dépotoirs de résidus, les poussières cancérigènes balayées par le vent du nord. Les rivières coulaient entre tous ces éléments, étranglées par les barrages hydroélectriques, les filets d'eau acidifiés, contaminés. À partir des barrages, sillonnaient les lignes de transport avec leurs pylônes d'acier, défoliés par des dérivés d'agents orange. Il ne restait plus que des milliers de kilomètres de terre désolée, un mariage de ciel gris, de flaques stagnantes, d'eau empoisonnée. Dans toutes les directions, une lande scarifiée, sur laquelle s'ilait un vent de mort entrecoupé par le croassement des corneilles résilientes. « Fuck !» échappa Nielsen à travers la musique. « J'espère qu'il y aura des vagabonds, j'en ai jamais rencontré !» Vous en avez déjà vu, vous, je veux dire, pour vrai? Ah, mais mettons qu'un deux se pointe. Comment on sait que c'est pas un indique? J'ai un cousin qui est parti avec eux il y a 6 ans, répondit Svet. Au nord de Shibugamo. Toujours triste, ce gars-là, sauf quand est venu le moment de s'en aller. Jamais revu après ça. Il paraît que la plupart des nouveaux vagabonds survivent pas le premier hiver. Évidemment, dans ce coin-là, la mine d'uranium a coulé partout. X les a invités, précisa Hans. Va savoir comment, il a ses contacts. Mais il est encore plus parano que toi, Nielsen. Alors, je m'en ferai pas. Pfff, rétorqua cette dernière sarcastique. Des nihilistes! Ils sont motivés, ajouta Svet. Des techno-junkies! lança Nielsen en riant. Ruby et lui, ils sont pas stables, tu comprends? Elle est à moitié morte déjà, et lui, il la suivra jusqu'au tombeau. Raison de plus pour leur faire confiance, précisa Hans. Ils n'ont rien à perdre. Enfin, continua Nielsen. J'ai entendu dire que les vagabonds, ils sont plus nombreux qu'on pense. Et il y aurait des cellules un peu partout dans le nord, de la baie James jusqu'au Labrador. C'est pour ça que les minières donnent des gros chèques en blanc à la Hope Sec pour leurs mercenaires. Mais ça fait pas un poil de différence, tu vois. Parce que les vagabonds, s'ils veulent quelque chose, ils le prennent. Puis tu peux pas patrouiller toute l'hostie nord, hein? T'imagines, à Montréal, il y a 100 flics au mètre carré. Mais dans le nord, il y a que toi, puis le sapin, puis la ligne hydroélectrique. Je sais pas, interrompit Svette. Si ça se trouve, ils sont qu'une dizaine. La moitié a le scorbut et l'autre est une bande de machos qui se battent pour savoir qui pisse le plus loin. C'est ce qu'on va découvrir, conclut Nilsine, tout à coup sérieuse. Comment ils survivent, puis s'ils sont vraiment des nôtres. Parce que s'il y a de l'espoir, c'est clairement pas au sud. Qu'est-ce que c'est, Montréal, sinon une fosse commune? C'est à ce moment que la camionnette heurta une crevasse à toute vitesse, faisant rebondir le véhicule violemment. Frappant la route, les essieux grincèrent sous la tension et le choc envoya une secousse brutale aux passagers. Svette et Nilsin se cramponnèrent, mais Hans rebondit de tout son long. Après une longue hésitation, ce dernier proclama, d'un ton monotone, « Ouch !» Et les trois s'esclaffèrent.